On en parla encore un peu en descendant le cimetière, et on ne se gênait pas pour l'apprécier. Ussonné, qui devait rendre compte de l'enterrement dans les journaux, reprit même en blague tous les discours. Car enfin, le bonhomme d'Ambreuse avait été un des potvinistes les plus distingués du dernier règne. Puis les voitures de deuil reconduisirent les bourgeois à leurs affaires. La cérémonie n'avait pas duré trop longtemps. On s'en félicitait. Frédéric, fatigué, rentra chez lui. Quand il se présenta le lendemain à l'hôtel d'Ambreuse, on l'avertit que madame travaillait en bas, dans le bureau. Les cartons, les tiroirs étaient ouverts pêle-mêle, les livres de compte jetés de droite et de gauche. Un rouleau de paperasse ayant pour titre Recouvrement désespéré traînait par terre. Il manqua tomber dessus et le ramassa. Madame d'Ambreuse disparaissait, ensevelie dans le grand fauteuil. Eh bien, où êtes-vous donc? Qu'y a-t-il? Elle se leva d'un bond. Ce qu'il y a! Je suis ruiné, ruiné, entends-tu? Monsieur Adolphe Langlois, le notaire, l'avait fait venir à son étude et lui avait communiqué un testament écrit par son mari avant leur mariage. Il léguait tout à Cécile. Et l'autre testament était perdu. Frédéric devint très pâle. Sans doute, elle avait mal cherché. Mais regarde donc, dit madame d'Ambreuse en lui montrant l'appartement. Les deux coffres-forts bâillaient, défoncés à coups de merlet, et elle avait retourné le pupitre, fouillé les placards, secoué les paillassons, quand tout à coup, poussant un cri aigu, elle se précipita dans un angle où elle venait d'apercevoir une petite boîte à serrure de cuivre. Elle l'ouvrit. Rien. Ah, le misérable! Moi qui l'ai soigné avec tant de dévouement. Puis elle éclata en sanglots. Il est peut-être ailleurs, dit Frédéric. Eh non, il était là, dans ce coffre-fort. Je l'ai vu dernièrement. Il est brûlé, j'en suis certaine. Un jour, au commencement de sa maladie, M. d'Ambreuse était descendu pour donner des signatures. C'est alors qu'il aura fait le coup.